Chapitre 12e. L'été revenu. L'homme, en effet, à toute vitesse, regagnait Paris. Lui non plus, il ne dormait pas. Étendu sur la banquette de son compartiment de troisième classe, il réfléchissait à ce qu'il devait faire. L'image de Noémie, debout de l'autre côté de la haie, toute jeune, inquiète, puis violemment émue, lui revenait à l'esprit, et il la comparait avec celle de Donatienne, pour mieux affirmer « Elles sont mère et fille, oui, assurément ». Il se demandait quelles seraient les conséquences de sa visite à Levallois-Perret. S'il y allait, cette mère qu'il avait vue si frémissante et si passionnée, accourrait dans la Creuse. Rien ne la retiendrait. Il y aurait des scènes terribles dans la maison du Carrier, comme celles qu'il lisait chaque jour dans le journal, des drames de la jalousie. La petite avait eu raison, il ne fallait pas que Donatienne revînt. Non, c'était le plus sûr. Mais le meilleur moyen d'empêcher le conflit, n'était-ce pas de se taire? En tout cas, rien ne pressait. La mère n'avait-elle pas la presque certitude que ses enfants vivaient? Puisqu'il ne pouvait pas retourner auprès de son mari et auprès d'eux, ne valait-il pas mieux en rester là? « Ma foi, conclut-il, je ne risque rien en n'y allant pas. Je ne lui dois rien à cette femme. Je lui épargne même des ennuis. Je n'irai pas. » C'était un homme prudent, qui avait déjà du regret de figurer dans un commencement de querelle. Il reprit son travail et oublia Donatienne. Et le grand été a reparu sur toute la terre de France. Il chauffe le quartier ouvrier où Donatienne n'attend plus rien de la vie et cherche à se persuader que ses enfants n'ont jamais été vus par ce client de passage, autrefois. « Celui qui m'a parlé m'a trompé, » pense-t-elle, « ou bien il a rencontré le Joël d'une autre que moi, et c'est pourquoi il n'est pas repassé par ici. » Elle a conscience qu'elle aurait été capable d'un effort pour eux s'il avait su où ils vivaient. Elle se dit qu'il n'y a plus de chance de rien savoir maintenant et qu'elle est condamnée à vieillir dans cette misère et cette lassitude de tout. Le soleil chauffe encore les champs de Rougrignon, où le nom des Louarnes n'est plus même un souvenir. Il chauffe la forêt de Ploëc, qui remue sa feuillée immense. Des mouettes égarées viennent et la regardent vivre et la prennent pour la mer, à cause des houles et à cause du bruit. Ils hésitent avant de donner le coup d'aile qui les oriente vers la côte. Il chauffe la plaine où habitent les pauvres qui ont émigré de Bretagne, et la colline où est la carrière. Louarnes travaille tout au sommet, les pieds enfoncés dans l'éboulis de terre et de pierraille, au bas d'une muraille de roches toute droite, haute et jaune, qui l'attaque à coups de pic. Le fer sonne contre l'obstacle et rebondit. Il fait si chaud dans cette cuve rocheuse que les chiens qui ont suivi les ouvriers, trouvant le sol brûlant, ont secoué leurs pattes et pris la grande route pour aller chercher de l'ombre. Les hommes restent, pour le pain. Ils sont espacés, tout petits au pied des falaises qu'ils abattent par tranches. De leur château de pierre, ils dominent toute la plaine où le silence est grand à cause de l'accablement des choses et des gens. La campagne est presque aussi muette que par la neige. La vibration des pics de fer coule, monotone et aiguë comme un chant de grillon, vers les lieux bas. Il était 3 heures de l'après-midi lorsqu'un cri terrible brisa ce petit bruit des mineurs de pierre, et les gens épars au bas de la colline, dans les champs, tournèrent la tête et virent s'élever une fumée de poussière comme il en sort d'une aire où l'on bat le froment. Puis 6 ouvriers parurent sur le bord de la route qui, ayant traversé la carrière, descendaient vers les villages. Ils faisaient des signes, et leurs mots, criés en même temps par 2 ou 3, roulaient en désordre. Ils portaient, étendus sur une civière, un homme sans connaissance et couvert de sang. Ils auraient voulu de l'eau fraîche et du linge. Personne ne vint. Ils descendirent. Le visage du blessé, dans la lumière, était blanc comme de la poussière de craie, et pour le protéger, un des mineurs le couvrait avec 2 feuilles de fougère, cueillies au bord du fossé. Elles étaient balancées par la marche. Personne ne parlait. Les ouvriers de la carrière, les compagnons habituels du blessé, groupés au sommet de la côte, regardaient le malheur descendre. Les porteurs pleuraient avec des figures dures et les larmes tombaient avec la sueur. Quand ils furent au bas de la pente, où l'ombre commençait, ils tournèrent à droite, ouvrirent une petite barrière et entrèrent dans l'enclos des Louarnes. Des cris de femmes retentirent aux 2 angles opposés. Noémie, les bras levés, la compagne de Louarnes, avec un jurement de douleur, se jetèrent au-devant des porteurs. « Qu'est-ce qu'il a? Dites-le donc, est-ce qu'il est mort? Laissez-nous, Noémie, allez tirer la couverture de son lit. »« Il ne parle plus. Il ne voit plus. Oh, du sang qui coule. Père, père. Repoussant la jeune fille et la femme qui criait, « Y'a qu'à nous que ça arrive, ça ne tombe que chez nous !» Les carriers longèrent le carré de choux et dans la première chambre, sur le lit près de la fenêtre, déposèrent leurs camarades. Le reflet des rideaux de serge verdissait la figure de Louarn. « Il est mort, n'est-ce pas ?» demanda Noémie. Deux ouvriers qui restaient là, immobiles de stupeur et de lassitude, cessèrent de contempler le blessé et dirent, « On ne croit pas, il a un peu de souffle. » Un jeune qui avait une figure pâle, tout en pointe, et de petites moustaches relevées, s'écartant pour que Noémie s'approchât, dit « J'ai une bécane qui est pas loin, mademoiselle Noémie. Je vais courir au médecin. S'il y a espoir, il le dira. Il ne faut pas plus de 3/4 d'heure. Je ne m'amuserai pas en route, soyez tranquille. » Et tandis qu'il se penchait pour écouter le souffle, voilà ce qui est arrivé. Le grand chaud fend la pierre des fois. Louarn n'a pas eu le temps de se garer. Ça lui est tombé sur les jambes, là, du haut de la carrière, de plus de 4 mètres. C'est moi qui l'ai relevé. Il était presque enterré. Il n'a poussé qu'un cri, avec les yeux tout grands, puis il les a fermés comme à présent, et il n'a pas plus bougé qu'un mort. N'est-ce pas, vous autres ? Il fit un signe de tête pour prendre congé, enfonça son chapeau et sortit pour aller chercher le médecin. Les autres ouvriers confirmèrent le récit. Ils se mordirent les lèvres en écoutant pleurer Noémie, Lucienne et les deux petits groupés sur le seuil de l'arrière-chambre et qui appelaient leur père. Et l'un après l'autre, ils répétaient comme une explication et une consolation « C'est le métier qui veut ça. Tout le monde n'a pas de chance, pauvre Louarn. » Bientôt ils se retirèrent, sauf un, le plus ancien, qui aida la femme à déshabiller Louarn inanimé. Le sang coulait de 20 endroits, depuis le ventre jusqu'au-dessous des genoux. Troubé en mâchures, coupures produites par l'éclatement des chairs comprimées et que poudraient des fragments de pierre, de la poussière et des morceaux d'étoffe. À la nuit, une voiture s'arrêta sur la route. Louarn, sorti de son long évanouissement, criait sans interruption depuis 2 heures. Deux femmes le veillaient, et celle qui vivait avec lui depuis 7 années n'était pas parmi elles. C'étaient deux femmes du bourg, venues au bruit du malheur. L'autre, affolée, irritée par la plainte qui ne cessait point, se tenait dehors, guettant le médecin, inventant des courses à faire dans le bourg, n'apparaissant à la porte que pour répéter les poings sur les tempes. « Je ne peux pas l'entendre !» et se sauver aussitôt. Ce fut elle qui ouvrit la barrière et précéda un gros homme court, rapide, qui n'était jamais venu en ce coin de pays et s'était trompé de route. « Pas facile de vous trouver, la femme. Quelle contrée de sauvage ! Où est-il ? Là, vous ne l'entendez pas ?» Le médecin entra dans la salle qui éclairait les flammes du foyer, car on cuisait les pommes de terre pour le souper. La flambée montant plus haut que le bois du lit où était couché le blessé, le médecin aperçut une figure maigre, rasée, convulsée, et deux yeux éclairés jusqu'au fond comme des cornets lumineux et qui regardaient fixement, avec angoisse, tandis que les lèvres ouvertes, tendues en arc, jetaient la même plainte sans arrêt. « Ah, ah !» et s'étirait encore quand la douleur était plus aiguë. « Voyons les jambes. » D'un mouvement brusque, le médecin souleva les couvertures et les draps et les rejeta contre le mur. Un hurlement sortit de la bouche du blessé. Les 4 enfants, massés dans la seconde chambre et pressés contre les montants de la porte, s'enfuirent vers l'appentis, ne pouvant supporter cette angoisse qui leur tordait les nerfs. Les linges sanglants, la blouse prêtée par un camarade pour envelopper un des genoux et toute maculée de sang noir, furent enlevées d'une main hâtive. L'une des femmes du bourg tenait une chandelle, l'autre une cuvette. La tête du médecin et ses épaules vêtues d'Orléans noir étaient penchées vers le milieu du lit. Et des gouttes de sueur coulaient sur le visage de Louarn, dont les prunelles se perdaient quelquefois dans le haut de l'orbite, tandis que la plainte ininterrompue de ses lèvres emplissait la chambre et s'échappait dans la campagne nocturne, chaude et sentant la moisson. La Louarn allait et venait, demandant à demi-voix « Monsieur le médecin, est-ce qu'il va périr ?» Au bout d'une heure, celui-ci, qui n'avait fait aucune attention à la question, se redressa, et comme s'il l'entendait pour la première fois, répondit « Non, je crois qu'il vivra, mais les jambes ne reviendront pas. » La femme se rapprocha, hagarde, le corps penché en avant, insultante dans la douleur, dans l'épreuve où le fond de l'être apparaît. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu n'es pas capable de le raccommoder ?»« Pas complètement, » répondit le médecin qui regardait ses mains, embarrassé et cherchant une cuvette et du savon. « Vendu !» Qu'est-ce qui va fournir au ménage à présent? Sais-tu qu'il y a 4 enfants ici? Vendu, si tu étais chez des riches, tu le tirerais d'affaire. Qu'est-ce que tu veux que je devienne avec un infirme? Le médecin saisit un linge qu'une des voisines du bourg lui tendait et ne répondit pas. Puis, négligeant celle qui venait de parler, il recommanda aux autres diverses choses et promit de revenir sans préciser le jour, comme ils font quand ils prévoient une souffrance longue et sans remède. Il traversa seul le petit jardin. Tout au bout, dans la nuit, le long de la barrière, une forme svelte se leva. Noémie demanda « Monsieur, est-ce vrai qu'il ne pourra plus travailler ?» Le gros homme qui marchait en roulant sur la terre de l'allée, là de sa journée, là de l'heure qu'il venait de passer dans la maison, et commençant à sentir que l'air vicié de la chambre se détachait de ses vêtements et se dissipait dans la nuit, sursauta et s'arrêta, prêt à répondre durement. Il reconnut à la voix, à la silhouette, au profil fin de Noémie qui se dessinait sur le blanc de la barrière, qu'il avait devant lui une enfant de se blesser, de se condamner. « Ma petite, je crains bien que ce ne soit vous qui deviez travailler pour lui à présent. » « J'y ai pensé déjà, » fit la voix. « J'aurai mes 14 ans bientôt. Je me mettrai en condition et j'enverrai l'argent que je gagnerai. Je suis forte. » Le médecin considéra cette grêle apparition. « Et les plus petits ? Lucienne les gardera. Nous avons convenu de tout, elle et moi, tout à l'heure. « Je reviendrai, demain sans faute, » dit l'homme en ouvrant la barrière. « Je reviendrai, vers midi. » Il fit quelques pas sur la route, au bord de laquelle son cheval, intentionnellement mal attaché, mangeait de l'herbe. La lanterne de la voiture trembla pendant 5 minutes entre les chaînes du chemin et disparut. Le lendemain, au petit jour, lorsque Noémie se leva, ayant mal dormi, elle passa la tête par l'ouverture de la porte qui faisait communiquer les 2 chambres. La plainte, qui s'était apaisée une partie de la nuit, recommençait, mais faible, épuisée, haletante. L'enfant vit que le père demandait à boire. Les femmes étaient retournées dans le bourg, vers 11 heures du soir, promettant de revenir. Elles n'étaient pas encore revenues. Noémie sauta du lit, passa un jupon court et donna à boire un peu de lait au blessé, que la fièvre avait saisi et accablait. Celui-ci reconnut peut-être sa fille, mais ne lui sourit pas. Elle eut le sentiment que le danger avait augmenté. Il fallait quand même allumer le feu, comme chaque matin, et augmenter la chaleur dans cette chambre déjà chaude et relancer la flambée du bois dans ses yeux malades. Noémie sortit pour les prendre de la tourbe, qui ferait moins de flammes et dont il y avait une provision près des niches à lapins, dehors. Sans doute celle qu'on appelait la Loire n'avait eu la même idée puisqu'elle ne se trouvait pas dans la chambre. L'enfant revint avec des mottes de tourbe sans avoir rencontré la femme et alluma le feu. En ce moment, les coqs chantaient. Les voisines du bourg entraient. « Où est ta mère, petite ? » demandèrent-elles. « Peut-être au bourg ? » dit Noémie, « car je ne la vois ni ne l'entends depuis que je suis levée. »« Nanny, » fit l'une des voisines, « car le débit n'est pas encore ouvert. » Elle sera montée à la carrière, alors parce que les outils du père y sont restés, dit Noémie. Elle ne laisse rien perdre. Le médecin revint et refit le pansement des plaies, puis il quitta la maison avec un hochement de tête et des mots vagues qui ne signifiaient rien de bon. Mais la Loire ne reparut ni pour le repas de midi, ni à 2 heures, ni à 3. Le père délirait et s'affaiblissait. Joël et Lucienne, envoyés à la carrière pour voir des nouvelles, puis au bourg, rapportèrent que personne n'avait vu la Loire. Une des femmes qui soignait le malade, la grosse qui avait des moustaches, dit « Elle s'est peut-être détruite ?»« Non, » fit l'autre. Quand elle apprit qu'il était si malade, elle a eu l'air toute perdue, et j'ai bien vu qu'elle ne pensait pas à lui, mais à elle. « Ma petite Noémie, faut pas te faire du chagrin, mais je crois bien qu'elle ne reviendra pas. » « Ne dites pas cela au petit, » dit simplement Noémie. « Elle ne pleura pas. » L'autre fut stupéfaite. Mais la nuit venue, les petits commencèrent à s'inquiéter. Lucienne, Joël, qui se croyaient les enfants de cette femme, demandèrent avec des larmes « Où est-elle ?» Baptiste, les voyant pleurer, courut avec eux autour de la maison, criant « Maman, où êtes-vous ? Maman, où êtes-vous ? » Et aussi longtemps qu'ils furent éveillés, les petits eurent autant de chagrin qu'on peut en avoir à 11 ans, à 8 ans, à 6 ans. Cette nuit-là, ce fut Noémie qui veilla le père, depuis minuit jusqu'à l'aube. Elle se sentait toute seule, dans l'ombre, qui est pleine de rêves, de peurs et de projets. Leur troupe l'enveloppait comme elle avait enveloppé sa race, autrefois, dans les champs de blé noir et d'ajon, comme elle avait effrayé, consolé ou bercé une autre femme jeune, semblable à elle, longuement penchée sur des berceaux, et même ce pauvre homme émacié, brûlé par la fièvre, délaissé deux fois, et qui avait eu une jeunesse et des songes aussi pendant les nuits de veille. Il dormait d'un sommeil coupé de frissons, de plaintes, de visions de fièvre. Elle le considérait, croyant quelquefois qu'il parlait pour elle, comprenant aussitôt qu'il divaguait. Quand elle ne le regardait pas, elle pensait au lendemain, et quand elle le regardait, elle pensait à son enfance, à des choses lointaines. Et peut-être se retrouvait-il dans ce lointain, voyageur qui suivait le même souvenir, sans se voir, sans être sûr du voisinage. Il y en avait un qui délirait, l'autre songeait, sa petite tête appuyée sur ses mains, ayant la chandelle entre elle et son père. Quelquefois elle disait des mots à demi-voix, pour briser la grande solitude et la plainte du vent qui rôdait autour de la maison et que le silence enhardit. Pauvre père, elle ne se souvenait plus de la figure qu'il avait lorsqu'il était jeune, mais elle se souvenait de la maison au sommet d'une butte, et de la grande clarté que c'était tout alentour, et de l'ombre à l'intérieur, et d'une vache qui montrait sa bonne tête quand on ouvrait la porte, au fond de la chambre, et du berceau de Joël que Noémie, toute petite, balançait à l'aide d'une ficelle. Elle rassembla ces images, et quelques autres qui formaient pour elle le bonheur passé. Elle se demanda si le père n'avait pas, de ce temps-là, les mêmes souvenirs heureux, et elle ne douta pas qu'il en fût ainsi. Il semblait dormir, mais il souffrait. Alors, comme si elle eût voulu envoyer un message à cette âme prisonnière derrière son masque clos, à cette âme garrottée par la douleur et le cauchemar, elle tendit ses lèvres plus nerveusement que de coutume, elle jeta, avec netteté et presque sans voix, dans la chambre muette, « Donatienne !» Elle attendit. Le visage enfiévré ne reçut aucune vie, aucune joie, aucune peine de ce mot inhabituel. Une seconde fois, le nom de la mère qu'elle aimait, de la femme qu'il avait aimée, frissonna dans la nuit. Les paupières du blessé se soulevèrent faiblement, assez pour que Noémie eût l'impression d'un regard, d'une réponse de l'âme égarée et malade. Elle crut que le regard était plein de reproches, et que l'instant d'après, les lèvres en s'agitant disaient « Tais-toi, ne prononce pas le nom de ma plus grande douleur. » Puis ce fut de nouveau l'entière absorption de l'être dans la souffrance, les yeux clos, les joues qui se creusent et qui pâlissent au coin de la bouche grimaçante. Noémie continua de songer. Au petit matin, quand un peu de jour mit comme du givre au fente des volets, elle s'approcha de la fenêtre qui était percée du côté des peupliers et des champs, et elle se pencha sur l'appui de bois qu'il y avait en avant, et elle tourna le dos, de peur que le père ne surprît le secret. Elle voulait écrire. Avec lenteur, non pour trouver les mots, mais pour les former, l'aîné des Louarnes écrivit à Madame Donatienne et mit l'adresse qu'avait donnée le passant. Elle attendit que le jour fût levé, puis, guettant le marchand d'œufs qui passait, elle lui tendit la lettre qu'il devait jeter dans la boîte de la gare, là-bas, sur le plateau. Le marchand arrêta son maigre cheval lancé au trot. « Ça sera fait, ma jolie, » dit-il. Il lut et épela l'adresse, qui ne lui causa aucun étonnement, à lui qui était du loin, et à qui ses Louarnes n'importaient peu, petites gens dont le jardin n'était qu'une tache sur la route que suivait la voiture. Mais Noémie avait rougi, en lui remettant la lettre, comme si ça avait été une lettre d'amour. Elle avait enfermé tout son espoir et tout son rêve dans cette enveloppe menue, sur laquelle la grosse écriture appliquée disait « À Madame, Madame Donatienne ». Et quand elle vit diminuer, puis disparaître la carriole du marchand, elle chercha à s'imaginer ce qui allait arriver. Combien de temps mettrait la lettre pour parvenir à destination? Peu, sans doute. Bien que Noémie n'eût jamais mis le pied dans un train, elle en avait vu passer. Elle savait qu'ils vont tous vers Paris, avec leur fumée blanche couchée sur le dos, et si vite, si vite. Où serait la mère? Dans quelle maison que Noémie se représentait pareille à celle du bourg? Donatienne était debout sur un seuil de briques posé sur tranches. Elle tricotait, comme les femmes du bourg. Elle ouvrait la lettre. Elle disait « C'est de mon enfant Noémie. Il y a du malheur chez nous. » Mais l'enfant ne voyait plus ce qui arriverait ensuite, et elle sentait en elle une inquiétude, une angoisse qui grandissait à mesure que les heures s'écoulaient. Et cela devint si fort que vers le soir, lasse d'avoir souffert sans se plaindre, plus lasse encore d'avoir entendu souffrir le blessé, Elle laissa un moment les deux femmes charitables qui gardaient le malade et fit signe à Lucienne et à Joël. Dès la porte, tout bas. « Où allons-nous ? » dit Lucienne. L'aînée mit un doigt sur ses lèvres. Derrière, elles traversèrent l'enclos, Lucienne blonde, rose, moins élégante et moins vive, et Joël tout frisé, comme un mousse, et vêtu d'une culotte qu'une seule bretelle attachait aux épaules. Ils s'avancèrent en file jusqu'à la route et tournèrent à gauche par où la terre montait. Ils montent la colline, les trois petits, ayant dans le cœur l'une de la peine comme une femme, les autres un peu de chagrin, comme des enfants. Ils ne se parlent pas. Joël mange des mûres qui sont poussiéreuses. On entend les coups de pic des ouvriers, car le travail continue, sans le blesser de la veille. Les chênes deviennent maigres et clairsemées sur la pente où le rocher affleure partout. La route est dure à gravir. Noémie traverse la carrière d'une extrémité à l'autre, et quelques-uns des abatteurs de pierre, debout sur d'invisibles seuils de la falaise attaquée et comme incrustés en elle, crient de loin « Petite Noémie, le père Louarn va-t-il mieux ?» Elle fait signe que non, de sa tête mignonne dont le menton se lève un peu, fierotement, et elle va sans s'arrêter. Elle ne peut parler, son cœur lui parle trop. Elle dépasse le défilé où la route n'est qu'une entaille dans la muraille rocheuse, et au-delà duquel la colline commence à s'abaisser vers le nord, toute vêtue de genêts et de fougères. Personne ne peut plus la voir, sauf Lucienne et Joël qui demandent « Où va-t-on ?» et qui s'étonnent. Mais elle s'avance jusqu'à une motte de terre en promontoire, qui est là, au bord de la route, et d'où la vue est grande sur tout le pays. Elle a bien des fois, cette Noémie, jeté de là des cailloux dans la seconde vallée, profonde et toute pleine de pointes d'arbres tremblantes, bien des fois flâné en regardant, sur la gauche, la fuite indéfinie des guérets, des blés, des luzernes, des prés, et le ciel voyageur qui est au-dessus. Aujourd'hui, elle n'a Dieu que pour le plateau qui se lève, au nord, après la vallée étroite, et pour le ruban de route qu'on y peut suivre, tordu, effacé, reparu, jusqu'à l'endroit où les choses se mêlent et s'apparentent comme des grains de poussière. C'est la grande route qui part de la gare invisible, bâtie dans une brande, la route que prennent les rares voyageurs qui ont affaire dans la région. Les deux enfants, plus jeunes, ont rejoint Noémie sur le tertre avançant. La lumière, inclinée, rase le sol et rend douce l'étendue. « Est-ce que tu vois du monde sur la route ?» dit Noémie. « Un troupeau de moutons avec son berger, mais c'est bien loin. Est-ce le médecin qui va venir par là ?»« C'est notre mère, » répond Noémie. « Elle a fichu le camp, tu le sais bien, » dit Lucienne. Et elle approche son visage rousselé et ses cheveux ébouriffés, tout dorés dans le soleil, de ce mince visage angoissé de la sœur aînée. Celle-ci reprend. « Celle qui va venir, c'est la vraie. » Elle parle doucement. Elle a les yeux fixés sur le lointain. Elle est si grave que les deux cadets la croient sur parole et cherchent eux aussi à découvrir, sur la route, là-bas, la mère qui doit venir. « Elle n'est pas vieille ?» demande Lucienne, comme avait fait Noémie. Noémie répond « Pas vieille du tout. Il faut qu'elle vienne. Sans cela, nous sommes perdus, mes petits. » Ils ne comprennent pas bien pourquoi. Cependant, ils s'attendrissent et leurs yeux s'emplissent de larmes. La nuit va tomber. La route est grise déjà, grise jusqu'au bout. Personne n'y passe. La mère ne vient pas. Les petits se lassent de fixer le même point. Ils se mettent à toucher les herbes et les pierres. Noémie, seule, les yeux en avant, la moitié de son visage éclairé par le couchant qui pâlit, joint les mains sous son tablier et dit, dans le vent qui souffle de l'ombre, « Reviens, reviens !» L'ombre a complètement caché la seconde vallée. Elle a confondu, même sur le plateau, la route avec la lande. Alors Noémie se détourne. Elle a l'air si triste que les petits la regardent en dessous, à présent, de chaque côté, et lui prennent la main pour se rassurer. Tous trois, ils regagnent la maison. Les ouvriers sont partis. La journée est finie. Louarn a toujours la fièvre. Les femmes disent qu'il ne vivra pas. Le lendemain, sur la même motte, au sommet de la colline, Noémie revint, avec Lucienne et Joël, et le surlendemain de même. L'attendu ne parut point, et le quatrième jour, la petite Noémie désespéra et ne monta plus là-haut.